rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a rien préparé parce que sinon ce ne serait pas de l'impro. Bienvenue dans le salon d'une des trois personnes autour, des quatre personnes autour de la table, parce que oui, nous sommes quatrième lundi du mois, non pas le quatrième lundi du mois, non, en tout cas. Ou le troisième parce qu'on a tout décalé. Oui, parce qu'on a été. On a été super organisé, une fois de plus, à l'image de l'intégralité du run de On n'a rien préparé. On a super bien géré notre calendrier, tout est parfait. Bref, nous sommes dans un salon, salle à manger, cuisine. L'ambiance, arbre à chat. Arbre à chat, baraque en carton. C'est pour pas que mon chat grimpe sur mes armoires. Oui, ça j'imagine. Que... Mais oui. Et je suis entouré, au-delà des deux chats, de personnes dont vous avez entendu la voix. Il y a Ise Brassel, Manuel Hébert, et une fois n'est pas coutume, mais deuxième fois n'est pas coutume non plus, mais c'est une invitée. Le fait d'avoir des invités est une coutume toutefois. Il y a Marie Chauderlot. Wouf. Oh, il ne fait pas des noms. Infiltré, The Departed, avec. Il y a une autre version du film avec Leonardo DiCaprio et Marie Chauderlot, qui fait semblant d'être un chat. Quoi? C'est un film The Departed avec Leonardo DiCaprio. Il est un chien? Non, c'est des trucs de mafia, ils s'infiltrent les uns les autres, machin brol. Ah, c'est possible. Oui, et voilà, c'était Les Infiltrés, ça s'appelle en fait. Du coup. Parce qu'elle est fait ouf et donc elle est infiltrée. Oh waouh, pardon. Ça me paraît pas si facile. Est-ce qu'il y a une version de Didier américaine ou le rôle d'Alain Chabat Didier Parted. Oui, par Leonardo. Mais en plus, c'est possible. Si ça se trouve, ça existe ce film, je serais pas surpris. J'ai un peu envie de le voir. Mais ils ont fait en plus un remake d'Amélie Poulain américain, non? Non? Quand même pas, non? Non, mais de LOL. Cas, Amélie Poulain, ils ont fait une comédie musicale. Ils ont pété l'histoire d'Amélie Poulain. Ils en pouvaient plus. Wow. Ouais. Ils sont très très fans d'Amélie Poulain aux États-Unis apparemment. Parce qu'ils adorent Amélie. Amélie. France. En parlant de Poulain, nous avons notre Poulain du jour, Marie Chauderlot. Je suis désolé. Je me désolidarise de cette déclaration. Moi aussi. Qui a dit ça? Il y a Isa qui me lance un regard plein de reproches. C'est trop drôle. Pardon. C'est l'après-midi. Moi, je suis désinhibé. Malgré tout, on dirait pas, mais j'ai une question intelligente à poser. Enfin, j'espère. J'ai dit oui. À Marie. Et toi, comme pas mal de gens, mais notamment comme Ise, tu as commencé l'impro en étant ado, donc quand même relativement jeune, et maintenant tu es une personne adulte, bel et bien adulte, à défaut d'être considérée comme une plus une jeune par l'État, je crois. Oui, normalement. Ouais, encore, moins de 26 ans, je sais plus. Moi, j'ai 28 là. Ah ouais, non, tu n'es... Mais tu peux encore. J'ai plus d'allocation familiale, par exemple. Voilà. Tu n'as plus droit au GoPass pas cher dans la SNCB. C'est terrible. Le trauma d'il y a 4 ans qu'elle n'a toujours pas passé. Non, c'est sympa, effectivement. Ça, les places de Cinoge, des trucs comme ça qui font mal aux fesses. Eh bien, maintenant que tu es devenu authentiquement une personne normale, vieille, voire même, eh bien, moi j'ai une question. Presque senior. Bientôt, tu retrouves des réductions pour les titres de transport. Eh bien, moi, j'ai une question. C'est toi qui a passé quand même une pas mal d'étapes de ta vie avec l'impro. Je serais curieux de savoir comment l'impro a nourri ta maturation en tant qu'être humain, en tant qu'individu, et peut-être vice-versa, comment ta maturation d'individu et ton âge, en tout cas comme tel que tu le perçois, si tant est que tu l'as formulé ou conceptualisé dans ta tête, comment ça t'a... Changer ton impro et faire genre ah oui ça je n'aurais pas été capable de le faire quand j'étais ado parce que pas une question de technique ou de machin mais plus une question de rapport à ça, voilà. Ouais, moi j'arrête en fait, je pense vraiment que je pense premier degré que je serais pas la même personne si j'avais pas fait d'impro. Vraiment ça m'a en fait il y a toutes ces valeurs de l'impro qui sont des valeurs qui se sont ancrées dans ma personnalité. Le fameux partage, écoute, acceptation, qui m'ont aussi. Enfin, l'impro m'a aussi aidé, je pense, à avoir un leadership, une forme en tout cas de facilité de prise de parole. se mettre en avant, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et je pense que, entre autres, c'est via l'impro que j'ai compris que je voulais faire du cinéma. Parce que j'aime bien raconter des histoires et qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, l'impro, c'est un médium pour raconter certaines histoires, mais pas toutes les histoires que je veux raconter. Et donc, ça a vraiment bâti mon ambition professionnelle. Et aussi, aussi, je pense qu'en tant que réalisatrice, il faut un leadership, il faut convaincre une équipe. Et ça vient aussi avec l'impro. Donc, je pense que vraiment... ça m'a vraiment construite de ouf. Et artistiquement, t'as l'impression d'avoir... qu'est-ce que tu perçois qu'il y a eu comme changement de ta personnalité qui ont influencé ton jeu ? Ben, je pense que mon militantisme a influencé beaucoup mon jeu. Donc avec le temps, je me suis plus politisée et je suis devenue féministe. Et donc ce féminisme teinte beaucoup plus mon jeu et mon questionnement de par entre autres la référence du dernier épisode. Mais donc de vraiment, en fait, comment... parce qu'aussi, je pense que je me pose les questions en tant que réalisatrice de comment raconter des histoires. Alors évidemment, je pense que cette réflexion va aussi teinter la manière dont je joue de l'impro. Voilà. Tout ça. Merci. Quelle sagesse. Waouh. Wow. Ouais. On essaie. Ça, je ne mets pas trop, quoi. Gourou Mama Chocho. Fait des séances méditatives et de narration. Et parfois de la pole dance. Avec des bols tibétains. Les moelles tibétains constituent la pole, en fait. Elles tournent sur des moelles tibétains. Oh, autour oui. Ils font des om pendant qu'elles leur tournent. Ça fait une vibration particulière qui fait qu'on tient dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. J'invite à voir ça. Oui. Le sujet de son prochain film, c'est ça. C'est tu sais ce que... La monk pole, on appelle ça. J'ai une blague. C'est une blague. Fais-la, arrête de demander. Tu sais ce que répond un moine tibétain quand on lui fait une blague? Tibétain. Oh là là. On ne peut pas toujours gagner. Mais on peut toujours apprendre. Oh, wow. Oh, bam. Bam. Ok, d'accord. Bien, t'as bien répondu à ce personnage des 100 dalmatiens. Je te trouve ça impressionnant. C'était les Aristochats, pardon. Oh, yeah, yeah. Oh, bon. On ne peut pas toujours gagner. Non, on ne peut pas toujours gagner. Non, d'un chien. Mais on peut toujours apprendre. Hicham vient de le prouver. Oui. Bon, cette illustration. On a dit la chose et on a fait la chose. C'est la démonstration par l'exemple. Et la démonstration par l'exemple, parce que si vous vous rappelez que ce que j'ai dit au tout début, c'est que je disais que c'était un podcast d'improvisation, à part le fait que je ne sais pas ce que je raconte. On va jouer 3 scènes d'improvisation avec des contraintes diverses et variées, pour le fun et la contrainte et le challenge, avec Marie, avec du Mama Chocho dedans. Yes. Et nous allons commencer avec la première improvisation qui est proposée par Ize. Eh bien, chers auditeurs, vous allez assister à une conférence de presse. Marie, tu vas avoir une identité d'un personnage de fiction assez connu, qui fait une activité, somme toute, potentiellement quotidienne. Et cette identité te sera secrète. Mais nous, Cham, Manu et moi-même, je vais dévoiler aux auditeurs et à tout le monde l'identité en question. Et puis, démarre l'improvisation. C'est une conférence de presse. Tu réponds à des questions posé par des journalistes plus ou moins subtils, sans connaître ton identité. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de l'improvisation, on ait réussi à te faire deviner ton identité. Super. Ok. Ouais. Je vais te demander d'enlever ton casque, te boucher les oreilles. Okay. Et quand tu n'entends vraiment plus ma voix, tu me fais un petit note de la tête pour me dire que je peux dire ce qu'il faut. Est-ce que c'est bon? Tu n'entends plus? Ok. Alors, Marie est Grincheux, le nain dans Blanche-Neige, qui se lance dans le DJ. c'est bon. Oh là là. Attention, elle est de retour. That's gonna be something. Oh wow, that's gonna be something. Oh wow. C'est un d'elle. C'est très rigolo. Je ne sais pas si je suis rassurée ou inquiète. Les deux, je pense que tu devais être les deux. Un curé. Je vais lancer l'improvisation. Rassuriette. J'allais relancer, mais je ne l'ai pas fait. Tu veux relancer ? Oh non, c'est passé. Je vais lancer l'improvisation. N'hésite pas à faire une petite phrase d'introduction du genre « Merci à vos questions ». Quelque chose comme ça, pour lancer le truc. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir été présents et présentes pour cette petite conférence. Est-ce que vous auriez des questions par hasard ? Oui. Bonjour. Ici Fairy Tail Mag. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le lancement d'une carrière solo ? Est-ce que les autres ont aussi des activités ou est-ce qu'ils vont vous rejoindre dans cette nouvelle activité ? Eh bien, je vous remercie de cette question. En effet, j'ai un désir de carrière solo. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir voler de ses propres ailes. Et c'est ce que je m'apprête de faire. Mais bien sûr, ce n'est pas exclu que nous nous reformions dans le futur. Je vous écoute. Oui, bonjour. Ici le magazine de la musique. En fait, on se pose des questions surtout sur un peu votre paysage sonore, en fait, au final, parce que apparemment, vous avez fait beaucoup de soundscaping dans votre environnement de travail précédent et ça donne un son vraiment caverneux. C'est impressionnant. Vous pouvez parler un peu de votre process ? Eh bien, en effet, je suis très inspirée par la nature, surtout les lieux humides, qui donnent cet écho particulier, une petite réverb de fond, pas piqué des hannetons. Hein. D'ailleurs, je suis très contente que vous ayez pu repérer cette touche artistique ambitieuse. Je vous écoute, oui ? Oui, bonjour, ici c'est de nouveau Fairy Tail Mag. Alors, dans votre précédent groupe, dans votre précédent ensemble, vous aviez une étiquette. Vous n'étiez pas le plus joyeux de la bande, hein, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots sur vos collègues. Vous aviez une ambiance de personne plutôt sombre, plutôt renfermée. Est-ce que vous allez creuser cette personnalité à travers ce nouveau médium d'expression, ou est-ce que justement c'est aussi l'occasion? Vous dites que vous partez en carrière solo. Est-ce que c'est aussi l'occasion d'explorer d'autres manières d'être et d'autres... C'est une très bonne question. Oui, tout à fait. En effet, je pense que je suis trop restée coincée dans une morosité, dans une acariâtreté. Dans une acariâtreté. Je ne sais pas si acariâtreté. Acariâtreté. Oui. Je pense qu'il faut à un moment donné sortir de ces émotions négatives pour aller explorer. De nouvelles choses aussi, s'accomplir en tant que personne et apprendre à mieux se connaître, tout simplement. Oui, c'est toujours le magazine de la musique. En fait, on se posait une question. Il y avait votre manageuse historique qui est partie récemment. Apparemment, ça a eu beaucoup d'impact sur la cohésion de votre précédent groupe. Et on voulait savoir un peu comment vous allez gérer comment vous allez vous approcher la reste de votre carrière, quoi. Et oui, en effet, notre manageuse est partie pour l'amour. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde, mais en effet, ce n'est pas. Nous sommes à la recherche de quelqu'un d'autre. Ça peut être tout prince ou princesse qui aurait de l'argent à investir, par exemple, dans mon projet précisément. Oui. Oui. Ici. The Science of Economic of Music. On sait que pour être honnête, votre niche est en pleine restructuration. Il y a une major qui est en train de tout truster. Est-ce que vous comptez vous lancer vraiment en indie? Qu'est-ce que vous allez mixer? Qu'est-ce que vous allez sampler? Est-ce que vous allez aller chercher du côté des classiques de cette niche que vous allez remettre au goût du jour, ou est-ce que vous allez partir vraiment sur des sons tout à fait extérieurs? Vous avez parlé de soundscaping tout à l'heure. Est-ce que ça... Oui, alors je dois dire que même si je me lance dans une carrière solo, j'ai quand même beaucoup d'amis dans la musique qui pourraient m'aider. J'ai quelques featuring en préparation, entre autres avec un ami animalier. Oui, un animalier qui se frotte contre des arbres. Et de par la vibration, ça recrée une ambiance sonore. J'ai avec moi pour faire les chœurs des muses, entre autres. Toutes ces choses qui, je l'espère, me permettront de retrouver le bonheur et la joie. Bravo. Waouh. Marie, à ton avis, qui étais-tu et qu'est-ce que tu annonçais? Alors, je pense que je suis Grincheux des Sept Nains. Oui. Et que je vais me lancer dans une carrière musicale. Oui. Presque. Sais précisément quoi comme carrière musicale? Oui, il y avait une précision. Soundscaping, est-ce que du coup, ça, DJ, non? Oui. Ouais, bravo. Bravo. Deux sur deux. Bam, bam, bam, bam. Big brain, big bien brain. Baby, baby, big brain. Oui, félicitations. Ça me fait J'adore. J'allais dire la même chose. Ça me fait toujours. J'ai plus d'aigu, ça fait chier. je voulais queener, mais ça n'a pas marché. Eh bien, oui. Bah, j'espère que tu t'es amusé autant que nous, on s'est amusé. C'est cool d'être un peu en mode genre, OK, faut que je réponde bien et qu'en même temps, je trouve ce que je fais. Mais non, vous avez... C'est drôle. C'est l'espèce de double processing, ouais. de l'impro. Ça, je me dis, c'est le genre d'impro que ben, toi, du coup, tu pourrais la réécouter en disant « Ah, les premières questions, en fait, c'était pour ça. » Quand toi, t'étais à te chauffer le cerveau en disant « qu'est-ce qui se passe ?» Et nous, on était là « Oh, c'est une bonne blague. » Ou tu réfléchis une blague à l'avance, tu fais genre « ça, c'est trop évident pour la première question. Je vais la garder pour la troisième. Je voulais finir avec « vous allez garder le bonnet ?» Un truc comme ça. Oh là là, cet exercice me fait beaucoup rire. Moi, c'était déclinable. C'est plus compliqué pour vous que pour moi, je crois. Ah, peut-être. Il faut trouver le bon. Mais je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui doivent pas aimer être du côté de Vinet, mais qui doivent adorer être du côté journaliste et vice versa. Et toi, t'aurais par exemple, t'aurais préféré être à notre place? Non, moi j'étais bien à ma place. Ok, d'accord. Oh, c'est beau d'être bien à sa place. Elle aime bien le spotlight. Elle a dit qu'elle avait développé du leadership. C'est normal. C'est beau. Ça me paraît très cohérent avec tout ce qu'elle a dit jusqu'à présent. Et en parlant de cohérence, nous allons nous tourner vers Manu pour l'improvisation suivante de cet épisode. Et oui. Oui, oui, oui. Et alors cette improvisation, mais je l'ai un peu conçue spécialement pour vous, Marie, mais aussi Ise. Ah. Parce que, alors Marie. Je t'ai coaché là-dessus il y a quelques mois, donc sais que tu sais. Je sais. No pressure. Et Ise, tout le monde sait que c'est ton style préféré. Nous allons faire une deux mondes où Marie, ton personnage, sera issu d'une tragédie shakespearienne. Oh, écoute, la gravité, la tension. Les alexandrins. Alors, non. C'est pas un alexandrin. Pas Shakespeare. Hein, pas merci, les métaphores, les allégories, tout ça, voilà. Et les rimes, quand même. Ça rime, non? Non, ça rime pas. Ah ouais, ça rime pas, chez Shakespeare, bon, ça rime en VO, mais c'est pas traduit en... Ah oui, c'est de la versification très différente de ce qu'on fait en VO. Ouais. Mais bref. Et Ise, ton personnage sera issu d'une fiction de KPDP. Ah. Trop facile. Jackson sort de ce corps. Eh bien voilà, Marie, tu viendras d'une tragédie shakespearienne. Je vois que ton visage prend déjà la gravité qui correspond au style. Ise a une KPDP. Je vais vous fournir un mot pour vous lancer. Votre mot aléatoire.com. Votre mot, oui, comme ça, c'est même pas un mot que moi je décide, c'est un mot qu'Internet décide. Vraiment, mot aléatoire.com. Oui, oui, oui, oui. C'est notre sponsor officieux. Non, parce qu'on n'a jamais reçu de thune, mais par contre, on l'utilise tout le temps. Ça va être intéressant. Votre mot sera perroquet. Oh ! Perroquet entre une tragédie shakespearienne et une KPDP. Attention, c'est parti. Quel plaisir, ma sœur, de vous revoir ici. Plaisir partagé. Si vous saviez comme j'avais envie d'aventure, et je sens que c'est avec vous que j'en aurai. Des aventures, c'est sûr, nous en aurons. Malheureusement, peut-être pas celle à laquelle vous vous attendez. Comment cela? La reine est en danger? Il faut intervenir, dites-moi tout. Vous êtes partie depuis bien longtemps, ma sœur. Elle n'est plus en danger. Elle est morte? Elle est morte. Diantre. Et vous n'étiez pas là, ma sœur, pour la protéger. Vous n'étiez pas là, ma sœur, lorsque je l'ai pleurée. Vous n'étiez pas là, ma sœur, lorsque père, lui aussi, a mis fin à ses jours de tristesse. Mais c'est une catastrophe. Ça veut dire que le successeur est pour l'instant sans protection. Nous devons y aller. Viens, ma sœur. Ce ne sont pas les chevaleresses Cosmos et Isis qui resteront sans rien faire. Monte sur mon cheval. Tagada. Tagada, tagada, tagada. Ma sœur, vous savez que je ne suis pas à l'aise. Tagada. Takeda, Takeda, Takeda, Takeda, Takeda. Vous n'êtes jamais à l'aise. Takeda, mais c'est bien ça qui fait votre Takeda, qualité. Takeda, Takeda, Takeda, Takeda, Takeda. Stop! Faites descendre la duchesse! Ma sœur, faire descendre ma sœur la duchesse! Madame la duchesse, cette dame vous a enlevé! Vous êtes... Il faut vous protéger de cette envahisseuse! Ne vous inquiétez pas, c'est... Elle fait partie de la famille. Votre sœur est revenue! Il faut l'annoncer à tout le duché! Ne l'annoncez pas trop vite, on ne sait pas quand elle repartira, parce que... Elle a déjà fait le coup. Ah, oh, mais tout de suite, et tout... Écoute, ce n'est pas ma faute si l'aventure se trouve à Paris. Il faut bien que je quitte l'Angleterre de temps en temps. Mais vous ne savez pas ce que ça fait, ma sœur, d'être seule dans ce château, telle l'étoile polaire, qui est l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Allez Isis, je sens que vous êtes un petit peu rouillée là, allez sortez-moi cette lame, qu'on se dispute un petit peu sur les 12 coups de minuit, et après on n'en parle plus. Allez, sortez votre arme, allez, sim, go, ching, ching, saltim, hop là, mais petite prime. Vous pensez que ce n'est pas l'aventure, ching, mais je sais encore ching, me battre. Ching, ching, ching. Et ha, alors, ching. Qu'est-ce que vous en pensez? Une belle fente, n'est-ce pas? Une fente droite dans mon cœur. Oh, pardon. Oh non, ma sœur, mais qu'ai-je fait? Vous êtes destinée maintenant à rester sédentaire. Sédentaire? À reprendre le royaume. Ah non, vous n'allez pas mourir. On va panser vos blessures, je vais vous amener. On va aller chez l'héritier de la reine, il saura peut-être quoi faire. L'héritier s'est enfui. Moi j'espère que l'héritier c'est moi. Elle cherche l'héritier, mais c'est elle. Ouais. Oh, elle cherche l'aventure. L'aventure était devant elle. Je ne suis pas ta sœur, je suis ta fille. T'imagines? Mon Dieu. Oh wow. C'est fou parce que c'est quand même au niveau contexte, on a tendance à les rapprocher alors que c'est pas du tout pareil. Et je me suis dit c'est intéressant parce que c'est à la fois proche et à la fois très différent. Pas du tout. Ce qu'il pouvait y avoir, c'était les trucs politiques. Souvent, ça y a, les trahisons, les trucs. Oui, ouais, oui, ça y avait. Et c'était très bien géré. C'est que d'un côté, c'est genre, hein, quoi, où, allons-y. Et de l'autre côté, non, il est trop tard. Ça, mais un tel a fait ça, qui a fait ça. Et comme de la vengeance la plaît, l'autre a fait ça. Et maintenant, je me retrouve à devoir te faire ça. Je suis telle l'étoile polaire qui brille le plus, mais qui est seule. Une métaphore. Ouais, bon, j'avoue. Bravo. Qui brille seule. Mais de tous ces feux. Je compte sur toi pour mettre un peu de viol de gambe quand c'est son tour et peu de pipeau quand c'est le mien. Ah oh, putain, j'ai très peur, j'ai entendu viol de quoi? De viol de banque, je fais quoi? Je suis que bug de quoi? C'est ça. Et les chevaux qui d'un côté font tagada, tagada, tagada, tagada. Mais là, c'était une fiction érotique, c'est pas possible. Quoi. Oui, c'est le 36e degré et puis il y a Manu qui imite le 36e degré. Oui, je pense. Non, mais il y a Ize qui fait genre, je vais faire l'école du bruitage, de faire le bruitage écrit dans une bande dessinée. Tagada, tagada, tagada. C'est rigolo à faire. Non, c'est très KPDP, je trouve. Les chevaux qui font tagada, c'est très KPDP quelque part. J'avoue. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, nous allons rivons à la troisième improvisation. De là. L'épisode, j'allais dire de la journée, mais ça dépend de quand les gens l'écoutent. Mais oui. Et cette improvisation va opposer la je ne sais pas ce que je dis, faire se rejoindre la verse 36e degré de Manu et les métaphores habiles de Marie. Dans une scène avec un fond musical, je lance. C'était vraiment des bruitages de films porno. Comme ça. Très bizare. Je vais faire une KPDP érotique. KPDP érotique. Je vais vous lancer une musique qui va accompagner votre scène et va lui donner son ambiance dans laquelle j'espère que vous allez pouvoir suivre ses évolutions et ses inflexions pour apporter de la vie à ce que vous allez jouer. C'est beau quand c'est dit comme ça, mais c'est trop long. C'est parti maintenant. Non, je sais ce que tu vas dire. faut que je le fasse. Il en va de la survie de l'humanité, tu sais bien. Je sais bien. Mais... déjà ? À ton âge ? Oui, Laurence. Il n'y a pas d'âge pour rencontrer son destin. Il y a juste le sursis que le destin nous donne et le mien est terminé. Mais tu es si jeune. Tu as encore la vie devant toi. Laurence. Je savais que ce serait la partie la plus dure de ma mission, mais je devais te l'annoncer. Oui, tu portes notre enfant et oui, tu devras l'élever seul, mais si je n'y vais pas, tu ne pourras pas l'élever. Je lui dirai tout ce que tu as fait de bien pour nous. Pour la Terre. C'est vrai. Je te le promets. Est-ce que tu lui donneras le nom de mon père ? Oui, s'il le faut. Vraiment, parce que... Oh, je savais. Je savais que tu ne respecterais pas la seule volonté que j'aimais. Alors quoi, je vais sacrifier ma vie ? Et tu ne peux pas appeler mon fils Gontran, c'est ça ? Gontran, Douillette, c'est très particulier. Gontran, bon retour sur Terre. Nous sommes ravis de vous accueillir en héros. Merci pour l'accomplissement de cette mission. J'ai survécu. Vous avez survécu. Mais vous avez réussi. Mais je devais mourir. Vous n'êtes pas mort. Attends. Non mais, ça veut dire que je dois y retrouver ma femme et mon fils ? Qui s'appelle Gontran Douillette ? Ben oui, elle est juste là derrière la porte. Elle est derrière la porte ? Mais vous me le dites maintenant ? Sauf que ce n'est pas en Douillette. Quoi ? Non, je suis désolée. Il lui a pas donné mon nom de famille ? Il s'appelle Salsify. Je tenais à ce que vous le sachiez avant de le mais voir. Mais Gontran Salsify ? Ça n'a aucun sens. Dites-le lui. Laurence. Gontran. Tu n'as pas changé d'un poil. Bonjour, papa. Gontran ? Gontre-Sal. Gontre-Sal ? Ouais. Tu lui as donné ton nom de jeune fille, Sifi ? Eh oui, je... Je n'ai pas pu résister. Écoute, déjà que Laurent Sifi, c'était pas très fin. Alors... Gontre-Sal Sifi. Papa, tu es revenu, mais pourquoi tu es revenu ? Tu aurais pas dû revenir. Si aujourd'hui tu reviens... Je te fais repartir. Quoi ? Mais enfin, Laurence, fait quelque chose. Tu sais, es dans le coup ? Il est adulte maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Il a aussi son destin qui l'appelle. Donne-moi ta combinaison. Par un truchement inattendu des gènes, j'ai exactement ton visage et ta physionomie. Personne n'y verra que du feu. Je te préviens, j'ai rien sous ma combinaison. Je suis pas sûr que le premier contact visuel que tu veux... un peu intime avec ton père, soit celui-là, Gontre-Sal. Messieurs. J'en ai que faire. Je suis désolée de vous arrêter dans ce moment. Plein d'émotions, mais il y a une erreur. Ce n'est pas vous qui êtes compatible, monsieur. C'est elle. Maman, tu m'avais dit que c'était mon destin. Mais je le pensais sincèrement. Ce sera donc à moi d'enfiler la tunique et... de sauver la Terre. À nouveau, parce que vraiment, les humains font n'importe quoi. Oui, on doit souvent aller sauver la race humaine. Bon, je pensais que ce serait mon honneur d'y aller plusieurs fois. Je veux que vous sachiez qu'il fait très froid ici. Voilà. Mais dis-moi, Gontran, c'est comment là-haut ? C'est le vide. Mais ce n'était pas aussi vide que mes sentiments pour toi qui ont été rongés petit à petit. Ces horreurs interstellaires, ces araignées spatiales que j'ai dû massacrer les unes après les autres pour pouvoir revenir ici. J'espère que mon absence pour sauver la planète vous permettra de vivre une belle relation et de créer du lien pour toujours, de prouver que il est encore possible de créer ce lien, malgré toutes ces années de solitude. Et peut-être que c'est vraiment ça le futur de l'humanité ? Se regarder soi-même, dans les yeux, quelque chose qui nous ressemble. Quelque chose qu'on pensait avoir laissé derrière soi pendant si longtemps, mais qui revient et sans qu'on s'y attende. Dans 10. Quelque chose qui était avant nous, ici. 9. Et que nous n'avions jamais pu voir. 8. Au revoir. 7, Au revoir. 6. J'espère peut-être vous retrouver. 5. Peut-être que... 4. Je reviendrai moi aussi. 3. Courage, Laurence. 2. Au revoir, Contran. Au revoir. Je t'aime, Laurence. Je t'aime, maman. Ah. Mais ce switch... What? Ce switch dans la musique, quoi. Ah, c'est vraiment un film, en incroyable, plus. Incroyable, hein. Ah ouais. Qu'est-ce que c'était de magnifique, ce morceau? Alors, c'est la musique qui vient de Chrono Trigger, il me semble, qui s'appelle Wind Scene. Je sais plus si c'est Chrono Trigger ou Final vidéo. Fantasy. C'est un jeu vidéo. Ouais, ouais. C'est un ah. gars qui a fait une reprise jazz de ça, et cette version-là a beaucoup d'inflexions et d'énergie variable, et ça marche très bien pour ça. C'est parfait. Waouh. Mmh. Wow. Ouais, parce que je me suis vraiment dit... La musique a l'air de se terminer. Je vais faire un final où en fait je pars en sucette et puis là. Ouais, et moi je me suis dit, il va s'enfuir, il va péter là, le personnage va péter la vitre et se barrer en courant d'horreur, un truc comme ça. Genre. Ouais. C'est bon. Ah, c'était con construit comme on dit. Dans oh là là. Il y avait des infos, mais c'était vraiment bête quoi. Oui. Aussi le cœur du Gont. Trandouillette et Gontre Salsifi et Laurencifi qui était wow. presque un jeu de mots mais pas ouais, tout à fait ouais. Ouais. Wow. Remettons, c'est bien de remettre à l'honneur le Salsifi, je pense. Mais c'est très bon par ailleurs, moi j'aime bien le Salsifi. Eh oui. Ouais. Est-ce que c'est un coup de cœur par exemple? Non, mais par contre ça va. Ah là là, purée, mais quelle... Cette machine à transition. Là. Cette machine à transition, comment elle me met la pression, j'en peux plus. Je suis opprimé. Marie, fais ton coup de cœur qu'on en finisse. Et bien sûr, c'est ce petit moment musical. Je vais conseiller une chanteuse. Je ne sais pas si elle est compositrice de ce qu'elle fait, mais c'est Eloi, que j'ai eu l'occasion de voir au Nuit Botanique, que je connaissais par la reprise Je t'aime de ouf de Weshden. Et du coup. Donc, JTM de ouf, qui est super, un peu électro, French pop, pour danser. C'est la niche. C'est la niche locale. C'est ça. Moi, je suis hyper nulle pour définir la musique. Mais je l'adore. Et donc je vous conseille c'est une sorte de reprise une reprise highbrow de Je t'aime comme ça un peu alors c'est une reprise un peu élégantisée de élégantisée oh, je sais pas ouais, mais... ce mot n'existe pas je viens de le non sortir mais de... ça moi j'y crois c'est une question hein. Mais oui non elle est enfin moi je connais en fait je connais pas trop l'original de Weshden du coup mais Eloi elle a fait un album aussi là il y a un Soleil mort peut-être que vous connaissez ouais. Voilà, Soleil mort et aussi Call Me. Il y a plein de morceaux super que je vous invite à écouter parce que je pense elle va s'épaire de ouf. Comment ça s'écrit? Eloi, E-L-O-I. Ok. Ah, ok, d'accord. Moi, je me demande si j'ai pas. Ok, d'accord. Je pense que c'est quand même. Il y a quelques morceaux quand même qui sont un peu. En tout cas, ça me dit quelque chose dit comme ça. Moi, je l'orthographie différemment dans ma tête, alors je cherchais ailleurs. Anecdote rigolote. C'est tes goûts musicaux qui m'ont inspiré pour te donner Grincheux comme personnage de la conférence de presse. Ah oui. À ton avis, à cause de quelle chanson? Une chanson Disney qui te caractérise beaucoup. Ah bon? Une chanson Disney. Il en faut peu pour être heureux. Non, je sais pas. Ton remix là que tu fais passer dans tout le monde de l'impro. Le remix Disney là. Oui. Mais il n'existe plus. Quoi? On ne le trouve plus sur les plateformes. Il y avait un remix qui passait dans la plupart des soirées du championnat, là. Ouais. Ah ouais. Incroyable. Ouais, je l'ai écouté tout l'été précédent et c'était un remix vraiment de mash-up de tout plein de chansons Disney. Peut-être qu'ils se sont fait. Que Disney a fait genre. Disney, allez vous faire foutre. It ends now. Ouais. Et du coup, depuis. Et en fait, je ne connaissais pas vraiment le titre, quoi. Je l'avais rajouté dans mes playlists. Et maintenant, introuvable. Je suis frustration. Bah ouais, donc si jamais quelqu'un voit ce que c'est, de quelle chanson on parle, sauvez-nous, sauvez Marie, sauvez sa santé mentale. At Mama Chocho si vous voulez lui envoyer les liens. Les liens de ce mashup magistral que beaucoup de gens détestent. Ah, c'est ce genre de truc, ok, je commence à comprendre. Eh bien, apparemment, Eloi, je me permets juste, elle est musicienne, chanteuse, autrice, compositrice et productrice. Ah, ah ouais, bah, bam. Elle fait tout, quoi. Même la prod. Genre musical, il y a synth pop, hyper pop, post pop, électro punk, techno, rap pop, drum and bass. Bam. C'est dense. L'hyper pop, c'est intense, l'hyper pop. Eh bien, Marie, quelles sont tes prochaines dates, sachant que nous sommes diffusés le 17 juin? A priori, moi je ne serai pas là, je ne jouerai pas, parce que je joue la demi-finale qui est déjà passée, et qu'il en faut pour tout le monde. Mm-hmm. Mais peut-être, who knows, dans le futur, après du coup le 1er juin qui est la demi-finale, on saura si les Motus seront en demi-finale le 22 juin. En finale, le 22 juin, l'espace lumène, avec on ne sait pas encore non plus, touche du bois. Peut-être Iseu. Peut-être les poneys. Peut-être. Peut-être que ce sera Iseu Mama Chouchou. Ah, du coup, moi, je sais. Pardon, Isis. Isis Brabra, Mama Chouchou. Aïe, aïe, aïe. Le choc des titans. Et sinon, pas d'autres dates prévues, mis à part qu'en général, les Motus, à la fin de l'été, on organise toujours une impro jam. C'est génial, l'impro jam, il faut y aller. Ouais, qui permet un peu à tout le monde de se remettre en selle et de croiser avec plein de personnes du monde de l'impro avec lesquelles on n'a pas toujours l'occasion de jouer. Oui. Donc, à voir. Bien. Merci Marie d'être venue parmi nous. C'était un grand plaisir de t'avoir. J'espère que tu t'amuses autant que nous. Grave. Oh, trop bien. Eh bien. Je vous aime de ouf. C'est une référence. Ça suffit. Ça suffit, Éloi. Salsifie, Éloi. Salsifie, Éloi. Eh bien, au revoir Manu, au revoir Iseu. Au revoir Hicham, au revoir Marie. Au revoir public. Au revoir. Au revoir pour le dernier épisode, on n'a rien préparé. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. À part ce fameux live a lieu le 1er juillet. On vous tient au courant sur les plateformes. Mais c'est le dernier épisode enregistré à l'avance, tout ça. Oui, dernier épisode officiel de la saison. Au revoir à tout le monde, au revoir Marie, et à la semaine prochaine. Pas pour Marie, mais pour le reste. Bisous.